Vous écoutez Radio Différence, une émission de radio nantaise faite par les personnes ayant des difficultés psychiques. Vous pouvez nous écouter sur le site www.radiodifference.eu et nous contacter à radiodifference@gmail.fr. Aujourd'hui, le thème, c'est le logement. Bonjour, je suis Gérard. Je viens vous parler aujourd'hui sur le handicap et le logement. L'accès au logement et le handicap, donc. L'accès au logement n'est pas facile à Nantes. Si l'on n'a pas d'argent, et l'argent est ce qui manque le plus chez ceux qui sont en l'âge. Nul n'est besoin, en ce début de 21e siècle, de sortir de niveau supérieur pour déplorer ce fait. La crise, l'Europe, la mondialisation, tout cela a bon dos. Mais notre propos n'est pas vraiment là. Je me propose, eu égard à mon expérience, de donner quelques conseils pratiques pour aboutir. Dans tout, il faut savoir naviguer, financer pour tromper un propriétaire crédule. La façon de faire que j'ai employée est bien simple. Elle a consisté à abuser mon propriétaire en lui faisant croire que le montant de ma pension était mensuel, alors qu'il est trimestriel. Il n'y a eu que du feu. Ainsi, j'ai donc dormi le soir même sous un toit, ma foi agréable. Et cela, sans débourser des sommes folles. J'ai triché, je n'ai pas joué franc jeu, mais seul le résultat compte. Vous me direz que je suis tombé sur une personne crédule. Tous les propriétaires ne sont pas aussi naïfs. Il m'a fait confiance, il n'a pas eu à le regretter. Certes, je n'ai pas dit que j'avais des troubles psychiques, et cela, rassurez-vous, ce n'est pas écrit sur votre front. Je recommande à tous les handicapés psychiques de ne pas avouer, ça va de soi, qu'ils ont un peu écrit sur les murs pendant une crise dans leur ancien logement. Ne pas dire non plus, surtout, que vous êtes passé par Saint-Jacques, même pour un très court séjour. Je vous recommande d'avoir un air bonhomme, avenant et calme. Avancez plutôt que vous n'avez jamais eu de problème avec les voisins. Parlez le mieux possible et le moins possible. Être également prudent. Argumentez sur votre âge, votre stabilité, et cachez que vous fumez comme un pompier. Ce serait un mauvais point. Il est au contraire bon de dire que Nantes est une belle ville, pleine de charme, que vous y plairez forcément, surtout si vous venez d'être sérieux. Il est important aussi, lorsque vous visitez le logement, de faire semblant, de ne pas vous apercevoir de son exiguïté, des difficultés pour le meubler, de son exposition plein nord, de la présence de vis-à-vis. Mettez en avant votre autonomie financière. Ne parlez en aucun cas de votre curatelle, si vous en avez une, laquelle doit être au courant de vos démarches. Ne paraissez pas trop près de vos sous. Maniez rapidement les chiffres et assurez-vous du montant du loyer, ça va de soi. Tenez compte de la propreté et de l'état dans lequel vous prenez l'appartement. Faites un état des lieux sérieux, en n'omettant rien. Regardez le nombre des prises électriques, l'antenne de la télé également. Pour un premier logis, ne faites pas le difficile, ce serait contraire à vos intérêts. Pensez aussi à la proximité des transports collectifs, même si vous ne les empruntez que rarement. Toutes ces opérations sont utiles dans une ville. Prenez garde au bruit et aux nuisances sonores de toutes sortes. Sans doute, je ne suis pas exhaustif. Bien d'autres précautions sont à prendre. On vous demandera si vous avez un animal. Répondez franchement que vous aimez les animaux, bien sûr, mais que... Observez si la porte d'entrée est bien sécurisée. L'état des communs, escaliers, ascenseurs. Estimez la commodité d'un éventuel aménagement. Ah oui, j'oubliais la présence de commerces de proximité. Que puis-je ajouter? Je crois bien en avoir fini. Encore une petite chose seulement. S'il s'agit d'un meublé, ne vous étonnez pas de la grandeur ou de la profondeur réduite de vos armoires et placards. Si vous le voulez bien, après tout ça, il vous sera signé le bail, en échange des clés. Lisez bien ce bail. Prenez en compte sa durée et du préavis pour la quitter. Ne cachez pas que vous êtes un supporter du FCNA si vous parlez football. Si vous avez un hobby, n'en parlez pas, sauf s'il est culturel. Profitez-en pour dire que vous lisez beaucoup, et pas seulement des romans policiers. Je n'ai pas parlé de votre consommation d'alcool. Minimisez-la au maximum, cela perfectionne votre image. Si vous parlez de la pluie et du beau temps, ne contrariez personne. Faites croire que le beau temps viendra au temps voulu. Ainsi, sans vous mouiller, vous paraîtrez clairvoyant, dépréciez en même temps la télé, c'est l'usage maintenant. Toujours dans un meublé, vérifiez la qualité du lit, qu'il ne vous fiche pas mal au dos. Mais il faut prendre garde à tout ça, si, il faut. Certes, vous trouverez votre bonheur si vous agissez avec la centrale des particuliers. Mais il faut avoir de l'argent vaillant. Faites des petites annonces. Ne vous enlevez pas avant la visite du logement. Joignez plusieurs propriétaires le plus rapidement possible. C'est un critère de réussite également. Prenez rendez-vous et accourez si vous pouvez sur le champ. Usez d'un portable pour avoir les numéros sous la main. Si vous vous échouez, il vous faudra passer par une agence. Comme vous le voyez, on peut se prendre la tête, mais on doit passer par là. Le stress, la stigmatisation, la peur peuvent vous causer du souci et vous nuire dans votre recherche. Si vous n'êtes pas sûr de vous, demandez de l'aide. Avez-vous des structures que vous fréquentez qui seraient susceptibles de vous aider? Mais n'oubliez pas que c'est vous qui allez y vivre, pas les conseilleurs. Merci. Bonjour, je m'appelle Julie, donc je vais vous parler du thème du logement. Un tiers des SDF souffrent de troubles psychotiques. Je connais beaucoup de gens souffrant de troubles psychiques qui ont peur de devenir SDF. Il n'y a pas assez de logements thérapeutiques. Et souvent, les proprios ne veulent pas louer aux associations qui font des appartements thérapeutiques. Les voisins font parfois des pétitions contre tel ou tel voisin souffrant de troubles psychiques ou contre l'installation de telle ou telle structure thérapeutique pour les personnes avec des troubles psychiques ou mentaux. Beaucoup de gens préfèrent nous voir SDF que d'avoir à nous supporter comme voisins. Heureusement, pour moi, mes troubles psychiques ne se voient pas. Mais en général, quand je vis en colocation ou en sous-location, j'essaie d'avoir le moins de rapport avec mes voisins pour pas qu'ils s'aperçoivent que je suis un peu à côté de la plaque. Bonjour, je suis Marie-Sophie. Donc je vais vous parler du logement. Alors en ce qui me concerne, c'est un peu particulier puisque j'ai jamais eu de problème de logement, puisqu'en fait j'étais pris en charge par ma mère et par l'UNAFAM qui ont trouvé pour moi un logement. J'ai ce logement depuis des années, ça doit faire 15 ans. Voilà, donc je me sens un petit peu comme une petite fille par rapport à ce problème. Je sais pas trop quoi dire. J'ai vécu donc vers 23 ans, j'étais un an en psychiatrie, donc mais très très gravement malade. Donc j'étais tellement malade que personne ne m'a demandé de m'occuper de logement, de prendre des responsabilités. J'étais dans l'incapacité. Bien qu'à l'époque le psychiatre voulait que je me débrouille toute seule, il voulait pas me donner la cotorep, on aurait dit qu'il voulait que j'ai des problèmes sociaux, et ben j'ai jamais eu de problèmes vraiment sociaux dans ma vie, puisque j'ai toujours eu ma mère derrière moi. Donc je le dis franchement, j'ai eu de la chance de ce point de vue. Voilà, peut-être que ça m'enlève un peu de maturité ou d'expérience, c'est ce que je m'imagine de temps à autre. Voilà, je sais pas quoi rajouter. Merci. Et maintenant la chanson Peau des cerfs de Andrea Dacal. Servem como carvão pra manter a chama acesa da revolução. Sozinho sou semente, contigo somos caule. Com eles somos galhos e assim seremos árvores. Sozinho sou semente, contigo somos caule. Com eles somos galhos e assim seremos árvores. Pode ser, claro que sim. Oui, bonjour, je suis André et je vais également parler de la question du logement. Un logement, c'est quelque chose d'indispensable. Ne pas en avoir, c'est extrêmement pénible. En avoir plusieurs, ça peut être aussi un petit peu difficile à gérer. Je parlerai d'abord de ce point de vue. Ça m'est arrivé plusieurs fois dans ma vie d'avoir plusieurs logements, jusqu'à trois, simultanés. Parce que j'avais le logement près de mon travail, le logement près de ma fille et de ses frères et sœurs et de sa mère, et puis un autre logement encore qui était mon logement officiel, où je n'habitais pas, où en fait je ne faisais que passer, relever le courrier toutes les 2-3 semaines. C'est extrêmement difficile comme ça d'être éparpillé entre plusieurs logements. J'ai aussi vécu un moment où j'en avais... je travaillais à deux endroits différents et je vivais encore à un autre endroit différent. Et puis à ce moment-là, on avait aussi une maison de vacances où on allait assez fréquemment en famille. Ce fait que là aussi, j'étais très souvent éparpillé entre différents endroits et c'était souvent assez difficile à gérer de savoir qu'est-ce qu'il fallait emporter pour être à tel endroit, qu'est-ce qui était indispensable de laisser à tel ou tel endroit. C'était quelque chose d'assez difficile. Changer de logement aussi, c'est quelque chose qui est, à mon avis, très lié au parcours de chacun. J'aime dire aussi même au destin de chacun. Moi, j'ai jamais eu vraiment de difficulté à trouver des logements. J'en avais même plutôt trop souvent. Et trouver un logement, eh bien, il faut, quand on doit trouver un logement près d'un travail, souvent les employeurs, ça m'est arrivé en tout cas plusieurs fois, aident en disant. J'en avais un, par exemple, qui avait toute une liste de personnes qui louaient des meublés dans la région. Et effectivement, ça m'a permis et ça permettait à d'autres personnes qui venaient travailler dans cette entreprise d'avoir un logement pendant un certain temps. Souvent, quand on trouve un logement de cette façon-là, c'est pas le bon. On se rend compte, comme disait Gérard tout à l'heure, assez vite que c'est dans un endroit gelé, plein nord. Le premier un que j'avais eu comme ceci, c'était dans une cave. Certes, en été, c'était très agréable d'avoir la fraîcheur de la cave, mais en hiver, c'était pas agréable. Il n'y avait jamais de lumière, enfin vraiment de lumière, toujours un peu d'humidité. Bon, c'était quelque chose qui n'était pas très favorable. Mais quand on est sur place, on peut prospecter. Gérard n'a pas parlé de toutes les possibilités. Il y a aussi simplement de parler avec les gens. Parler avec les collègues ou parler avec, avec des gens d'un endroit. Il y a eu une petite ville où j'ai habité, où j'ai passé 2 ou 3 jours à me promener et à parler. Et finalement, j'ai trouvé quelque chose. Peut-être c'est un système qui marche moins bien dans les grandes villes, quoique, c'est à voir. Pour la recherche, oui, c'est une question vraiment de chance, de bonne inspiration, aller dans trouver le bon quartier, le bon endroit où on va vivre, ou le bon village si c'est en milieu rural. Il y a un aspect dont Gérard n'a pas parlé et qui est tout de même assez important. Il a parlé du question du prix du loyer, il n'a pas parlé de caution ni de garantie. Là aussi, c'est quelque chose qui peut éliminer un certain nombre de logements. Moi, c'est certain que dans les dernières recherches de logements que j'ai faites, il n'était pas question d'avoir des cautions importantes, ce qui fait que ça a éliminé un certain nombre de logements, très, très naturellement, et puis que je n'avais pas toujours une garantie. Je me souviens, il y a quelques années à Nantes, l'agence voulait absolument une garantie. Mais j'avais dit, bon, écoutez, je ne vois personne d'autre que ma mère, qui avait dans les 80 ans à l'époque. Et il m'avait dit, pas de problème. Par contre, ma mère a refusé. Ce que je trouvais logique, parce qu'effectivement, pour un logement qui devait durer plusieurs années, ce n'est quand même pas forcément une vraie garantie d'avoir quelqu'un de très âgé et d'une santé... incertaine. J'ai eu aussi des personnes qui se sont portées garantes pour moi. C'est très généreux de leur part, c'est un peu risqué pour eux, parce que, et dans mon cas, il y a eu des passages où j'étais financièrement très, très bas. C'est pas fragile qu'il faut dire, c'est carrément malade. Et dans ce cas, si j'avais eu une personne qui se portait garant, elle aurait dû payer pour moi. Bon, dans certains cas, ça n'a pas posé de problème, mais c'est quand même quelque chose qui est une grande responsabilité. On ne peut pas demander la garantie à n'importe qui, et la personne qui se porte garante doit effectivement être fiable. Sinon, c'est pas très sérieux. Voilà, je pourrais sûrement encore dire d'autres choses, mais pour l'instant, je vais passer la parole à quelqu'un d'autre. Oui, je suis Marie-Sophie, donc je vais rajouter quelques détails enfin, à propos du logement. Donc moi, dans mon expérience, j'ai eu plusieurs logements, en fait. J'ai eu un logement qui appartenait à ma mère, j'ai été chez ma mère, j'ai été chez moi. Enfin, j'allais de logement en logement parce que je trouvais pas de solution. Et puis personnellement, avec mon ami, il y avait des difficultés. En particulier, ça m'arrivait quand j'allais mal, par exemple, ça m'arrivait de faire du bruit, ça m'est arrivé de crier même dans mon logement, donc ce qui est très très gênant. Donc les voisins comprenaient pas, les voisins sont sortis, en plus c'était des familles avec des enfants, ça faisait peur aux enfants, donc ça pose problème quand on va mal, les voisins comprennent pas et ben on est rejeté, hein, on est rejeté. Donc moi j'habite maintenant en HLM, j'ai eu quelques crises en HLM, mais c'est quand même plus c'était moins problématique parce que en HLM les gens sont un petit peu plus tolérants parce qu'il y a déjà pas mal de problèmes en HLM. Lorsque j'étais dans le logement de prêté par ma mère, c'était un logement très bourgeois, un environnement très bourgeois. Et ça me convenait pas du tout, je me sentais pas du tout à l'aise. À la limite, je préfère être en HLM. Voilà, merci. Et André-François, je reprends la parole parce qu'il y a un aspect dont on n'a pas parlé et qui est très important, je crois. C'est les voisins, le voisinage. Gérard, on a un petit peu parlé en parlant des bruits, de l'environnement, de l'éclairage, mais là, je parle plutôt de l'environnement humain. Ça peut être extrêmement important. Et parmi les personnes que je connais et qui ont plus ou moins des difficultés d'ordre psychique, il y en a qui ont la chance d'habiter dans des maisons avec de très bons voisins, une très bonne entente, une entraide. Le fait, je pense à Rémi qui parle parfois ici, qui régulièrement organise des fêtes dans son jardin ou est invité par ses voisins qui organisent des fêtes dans le jardin commun de la maison. Il y a aussi dans cette maison des échanges de machines à laver, des échanges d'instruments de musique parfois, des choses comme ceci qui fonctionnent très bien. Dans d'autres maisons, j'ai connu des personnes qui au contraire n'avaient pas de bon rapport avec leurs voisins. Gérard l'a évoqué aussi, les problèmes de bruit, d'alcoolisme. C'est vrai que quand un alcoolique se met à faire énormément de bruit en plein milieu de la nuit, c'est quelque chose qui gêne beaucoup et qui fait qu'ensuite les voisins ne sont pas forcément très bien disposés. Il y a le contraire aussi, les personnes qui sont dérangées par les bruits. Un ami qui est très dérangé par les bruits des enfants qui jouent devant ses fenêtres, par les bruits des animaux, les chiens qui aboient, même les oiseaux dans les arbres. Mais je pense là au bruit humain, il supporte très mal et c'est quelque chose qui lui pèse beaucoup. Même s'il habitait à la campagne, c'est pas son cas, mais moi j'ai eu ce cas d'avoir une voisine qui avait un chien assez agressif, qui était normalement enfermé sur son terrain, et de temps en temps, ce chien sautait par-dessus la barrière, et j'ai été un jour agressé assez fortement par ce chien. Et ma foi, c'est vrai que j'avais quelques difficultés à être très très sympathique avec ma voisine, parce que son chien était désagréable. Il y a comme ça des choses qui font que... Et il y a aussi les ragots. À la campagne, là, ça c'était très fort. Les ragots, les cancans, les gens qui disent « Ah, mais André, il a de nouveau pas de travail, il est tout le temps, sa voiture est tout le temps là, voilà, il est de nouveau au chômage. Ben, » c'est normal, c'est toujours comme ça. Et ça, c'est vrai, c'est quelque chose qui arrive un peu moins en ville, les gens se connaissent moins. Mais les voisins, c'est quelque chose qui peut être bien, qui peut être très pesant. Et en tout cas, c'est quelque chose qui est très très intimement lié au sujet du logement. Avoir un bon logement, c'est pas simplement des murs, un toit et puis un bel intérieur, mais c'est aussi avoir un environnement humain qui aide. Et maintenant, la chanson Translate de Daniel Hartner, sous licence libre aussi.